Donc on les seringues, ils les gardent dans les poches quand même. Donc aujourd'hui on reçoit François Billard, la plupart d'entre vous le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur prolifique, car j'ai compté qu'il a fait à peu près une dizaine de livres sur le jazz, l'accordéon, le saxophone, Duke Ellington, La Ciotat, berceau du cinéma, Django Reinhardt et Lenny Tristano. Et bon, l'occasion de ce débat sur le polar libertaire, c'est parce que François doit publier prochainement, bon c'est un peu la arlésienne, mais je pense qu'il finira par sortir un numéro du Poulpe, dans la collection du Poulpe, au mois de février, ils m'ont appelé hier, ils m'ont demandé. Qui s'appellera Don Quichotte et la Manque. Voilà. Don Quichotte et la Manque. Voilà, c'est Marseille. Et bon, là, on a, avec les copains de Nice, on aimerait une réflexion depuis quelques mois sur le roman policier. Bon, ça a commencé, Lanarcho avait publié un texte sur Léo Mallet. Bon, après on a vu que Léo Mallet, qui est anarchiste, machin, bon. Et il y a eu des débats, et là on en vient de sortir donc un numéro sur le polar libertaire. Donc c'est à prix libre. Les bénéfices monstres qu'on attend seront versés au CIRA. Je laisse la parole à François. On va parler de l'anarcho, hein, pas de moi, parce que c'est... L'anarcho pose un problème très très intéressant du point de vue du polar. Bon, actuellement, on voit toute une série qui est très connue, qui en est à son numéro, je crois, 100, 120 peut-être, j'exagère, mais enfin, peut-être, bon, qui est le Poulpe, qui cristallise un certain polar qui se veut libertaire et qui, à mon sens, est plutôt de gauche et consensuel que libertaire. Ça, ce sera un aspect du débat après. Bon. Et ce qui est intéressant en lisant l'anarcho, c'est qu'on voit qu'on a affaire à pas mal d'auteurs comme ça en France, qui sont des auteurs qu'on dit libertaires et qui souvent sont peu libertaires, mais qui parfois ont quand même l'intérêt de parler du peuple de façon extraordinairement vivante. Et je pense à Léo Mallet, qui lui est devenu franchement Front National à la fin, qui dans l'interview que vous avez publiée, et qui est une interview de Bayon et Cazoar, qui dit franchement qu'il n'aime pas les Arabes, que les Juifs, il dit j'ai des amis juifs quand même, il tempère un peu, et d'abord il n'aime pas les Arabes, il dit les picots, et il n'aime pas non plus les Noirs évidemment. Les Gitans non plus. Les Gitans, il les déteste, pardon, j'ai oublié les Gitans. Et donc, c'est vrai que c'est pour moi c'est un sujet très très actuel qui dépasse nettement le thème du polar, c'est-à-dire qu'on est dans une société où les trucs deviennent de plus en plus compliqués, bordéliques, il y a une confusion qui règne. C'est-à-dire qu'il faut savoir peut-être des fois de ce dont on parle quand on va parler de peuple, qu'est-ce que c'est que la mémoire du peuple, si on veut vraiment en parler, et pas forcément avec des gants d'ailleurs. Et il faut savoir aussi qu'on ne va pas non plus se retrouver dans n'importe quel truc sociodémocratique, soi-disant parce qu'on est... contre un ennemi commun qui serait le fasciste, parce qu'on a déjà fait le coup à la guerre d'Espagne, hein, c'est-à-dire qu'on a le fascisme qui est le grand ennemi, puis à côté on aurait la droite bien pensante, les catholiques, les protestants, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon petit laïus, mais bon, et c'est vrai que je trouve que l'ennui dans des collections comme le Poulpe, c'est de faire cet amalgame et nous faire croire qu'on est copains avec tout le monde et que tous ces enfoirés qui étaient vraiment contre nous et qui à la moindre occasion nous tireraient dans le dos sont maintenant nos amis, nos grands amis. Et bon, c'était un drôle de préalable pour parler d'une collection de polar, mais je crois que l'intérêt de cette collection, c'est au moins soulever ce problème négatif des fronts bidons avec nos ennemis, contre des ennemis qui finalement ne sont pas forcément toujours pires que nos vrais ennemis, puisqu'au moins ils ne tirent pas forcément dans le dos, ils tirent en face. Alors bon, on va peut-être choisir, est-ce qu'on préfère se faire tirer dans le dos ou en face, ça peut se discuter. Alors c'est peut-être ça le thème du débat, quoi. Et je voudrais demander à Fabrice et à Philippe qui est à mes côtés, justement, l'impression qu'ils ont eue quand ils ont passé en revue ces auteurs de polar, et s'ils n'avaient pas le sentiment qu'il fallait justement mettre un peu les pieds dans le plat, et si c'est pas ce que faisait justement l'anarcho. Sur le poulpe, et sur le caractère libertaire que certains prétendent se donner, qui en fait est publicitaire pour eux. C'est-à-dire que ça leur sert bien à dissimuler n'importe quoi. Au départ, c'est ça, mais c'est une question. Sur le poulpe, et donc le truc, c'est Jean-Bernard Puy, et Didier Denex, en gros. Donc je dirais pour Jean-Bernard Puy, c'est celui qui pose le problème. À la base, au niveau du Poulpe, c'est lui qui a lancé cette collection, c'est lui qui a dit que cet enquêteur était censé être libertaire. Et donc, Alors, il y a déjà un problème de mots, c'est-à-dire que c'est un type qui peut nous parler de libertaire et de gauche libertaire très vite. Et alors, la gauche libertaire, est-ce que c'est anarchiste? On ne sait plus, puisque les anciens Mao, trotskistes, etc., socialistes, tout ce qu'on voudra, deviennent gauche libertaire à ce moment-là. Et, par exemple, le héros du poulpe, Gabriel Lecouvreur, il a signé un manifeste, Nous sommes la gauche, ou je ne sais plus, nous sommes... Bon, voilà. Donc ça déjà c'était un des problèmes par rapport à ces types-là, c'est-à-dire qu'on veut bien, on veut pas non plus donner des bons et des mauvais points, quoi, un tel est anarchiste ou pas, mais le héros anarchiste du roman, ça pose aussi un deuxième problème qui est sur lequel moi j'aimerais bien que tu parles, c'est-à-dire le problème du même type que Bardamu et Céline, c'est-à-dire le héros du roman où mettons Nestor Burma et Léo Mallet, le héros du roman qui peut être considéré comme un anarchiste dans la fiction, et son auteur, et l'assimilation donc à ce moment-là de... Il y avait un autre point, donc après on parlera, c'est qu'il y a quand même une sacrée contradiction de polar libertaire, souvent le héros c'est un flic, quoi. Je sais pas, les flics pour les anarchistes c'est quand même pas le modèle absolu. Quoi. Là tu penses à Léo Mallet. Alors c'est un détective, même s'il est détective, il est... ou même des polars qui sont quand même assez virulents contre la société, mais c'est bon, Manchette, il avait un flic, c'était après 68, il avait les cheveux longs, il avait un bandeau dans les cheveux, bon, il se faisait taper dessus par ses collègues, mais... Pardon ? Non, Manchette a fait... Tarpon, c'est un détective indépendant, mais Manchette a fait, bah, c'est cité là-dedans, vous direz, l'anarcho, il y a trois, je ne sais plus son nom, il y a trois... Non, excuse-moi, t'as raison, c'est Amila. Oui. Non, excuse-moi, c'est Manchette, c'est Tarpon, c'est un type qui s'est fait virer de la police parce qu'il a tué des manifestants. Il a tué un manifestant pendant... Il était CRS. Et c'est Amila qui, après 68, a pris un personnage de flic cool et tranquille. Quoi. Alors ça, c'est quand même, pour quelqu'un qui se dit anarchiste, bon, faire un héros flic, c'est quand même une contradiction. Et pour ça, moi, je pense qu'il y a une différence entre roman noir et roman policier, sur laquelle tu pourras peut-être nous éclaircir. Moi qui n'ai pas de roman policier, qui n'en ai même peut-être jamais lu, est-ce que je pourrais lire ce bouquin et ça pourrait m'intéresser, ou alors je n'ai rien à parler, c'est du roman policier? Non, vous lisez Amila, vous lisez les premiers trucs de Jean Amila, qui sont des trucs où d'ailleurs il n'y a pas de héros flic, les tout premiers, si ma mémoire est bonne, et là c'est vraiment des très très bons bouquins. Non, dans les auteurs de ton site, il y en a où il y a une écriture, parce qu'il y a la fois ça, comme, parce qu'il y a tout derrière. Si c'est intéressant, un roman policier, on arrive à comprendre. Non, c'est intéressant. Non, que littérature. Voilà. Ouais. Bon, même le sujet. Amila, bon, c'est des romans policiers, mais enfin, entre guillemets, parce que souvent, c'est pas des histoires de flics, il n'y a pas de policiers, ils racontent, je sais pas, un scandale dans la société, des gens qui construisent un barrage, ou dénoncent les dessous du nucléaire bien avant tout le monde. D'ailleurs, il s'est fait péter la gueule pour ça. Hein. Mais vraiment, salement, il a perdu la mémoire pendant 10 ans. Les mecs des services secrets l'ont chopé, ils ont cassé la tronche, quoi. Donc là, effectivement, Amila, on peut quand même parler de quelqu'un qui prend des risques, qui les a pris, qui a assumé jusqu'au bout et qui s'est très mal passé. Lui mérite, à mon avis, même s'il y a certains moments où effectivement il y a un héros flic, lui, bon, il est libertaire au sens profond du terme. Surtout qu'il n'a jamais dit, il n'a jamais levé un drapeau, quoi, en plus, il n'a jamais dit, il n'en a jamais profité. Mais c'est l'ancienne génération. C'est-à-dire ma génération tombe déjà dans des gens beaucoup plus douteux, qui lève un drapeau pour ramasser des ronds. À mon avis, moi je vais jusque là. Hein. Ah non, mais bon. Hein. C'est un peu le sentiment sur lequel je suis resté quand je vois ce qu'il y a dans Libé, de ses aventures, etc. J'ai l'impression que c'est un pseudo, quoi, quand même. Je crois qu'il faut le dire. Hein. C'est un filon. C'est un filon qui marche bien. C'est la collection qui marche le mieux en France, hein, le Poulpe, par exemple. Le Poulpe. Ah ouais. C'est hallucinant, hein, parce que c'est quand même très étrange, le Poulpe. Au niveau d'une collection. Alors, les romans policiers, c'est vrai, en ce moment, c'est la grande mode. Il y a beaucoup de. Il y a eu les 50 ans de la série noire, et depuis, on n'arrête pas de faire du roman policier dans le livre. Et depuis le Poulpe, hein, et d'abord, il y a beaucoup de. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'épisodes. Ça, c'est vraiment assez spécial. Je ne m'attendais pas à ce qu'il paraisse autant de bouquins. Et je croyais qu'il y allait avoir 5 par an, quoi, ou 10 par an. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, c'est quand même sorti d'un petit menu. On entend le mot libertaire associé à Poulpe, puisque quand tu, je sais pas, tu vas sur internet, tu tapes libertaire, tu tombes sur le Poulpe. C'est assez vite sur les premières choses qui apparaissent, quoi. Oui, c'est, voilà, c'est ça. Donc c'est la simulation de ce, et c'est vrai. Non, là, tu posais une question tout à l'heure par rapport à la, au personnage du héros, bon, le couvreur, hein, Gabriel le couvreur. Bon, donc c'est le héros qui trimballe de roman en roman. Alors lui, il est libertaire, entre guillemets, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas, un peu, bon, pour en discuter. Alors ce qui est très marrant, c'est que la collection, par contre, on est censuré terriblement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Si par exemple, on a un héros, enfin, pas un héros justement, quelqu'un qui n'est pas un héros dans le bouquin, qui dit quelque chose de pas bien, on nous dit « enlevez-le », tu vois. Je sais pas, par exemple, il va y avoir aucune réflexion dérangeante, d'aucun ordre. C'est-à-dire tous les... Bon, alors t'as d'un côté, t'as des gens qui sont des fascistes, des nazis, des fascistes, des nazis monstrueux. Alors eux, bon, ils sont monstrueux, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ça, tout doit être propre. Personne, il n'y a aucun... Personne n'est sexiste, personne, il n'y a pas de mauvaise pensée, c'est pire que le catéchisme. Alors, et ça, c'est très dangereux. Non mais c'est vrai, c'est monstrueux. Et moi, bon, je sais pas, mais par exemple, je m'étais amusé à faire des jeux de mots débiles, alors on a marqué « en supprimé ». J'avais écrit une lettre de Marx à Engels qui demandait s'il sautait toujours la Sabonne ou inversement. On m'a dit « est-ce bien nécessaire ?» Bon, à un moment dans l'avion, il drague l'hôtesse de l'air. « Non, non, ça n'est pas la peine, le héros n'est pas comme ça. » Non, c'est ça, hein, les trucs pas bien pensants, c'est ça, hein, parce qu'il faut préciser. À chaque fois, je me laissais un peu aller. Alors, il y a un moment, il y a une prostituée qui est liée à la fin dans mon roman, mais je crois je me suis demandé comment elle a pu y rester, d'ailleurs, parce que normalement, elle ne devrait pas y être. Quoi. À moins qu'elle fasse des passes gratuites pour la bonne dose, mais c'est même pas le cas, donc je sais pas. Et ça, c'est assez inquiétant aussi, parce que ça n'apparaît pas, ça, c'est la coulisse. Et oui. Eh oui, bien sûr. Or, le public n'en a pas conscience. Le public n'en a pas conscience. Mais si, de mais certaine c'est, façon, c'est, parce que quand tu vois que ouais. Plus que tous les bouquins, enfin, dans la série, là, si tu en lis quelques-uns, il y a quand même un nombre de bouquins et une seule option idéologique pour tous ces auteurs qui finalement se retrouvent... Alors, maintenant, tu fais partie de cette gauche libertaire avec Jean-Bernard Puy en tant qu'auteur de Poulpe, etc., et Didier de Nex et tout ça. Je sais pas, j'ai pas encore lu ton livre, mais si effectivement tout ce qui dépasse a été rasé, vous dites tous la même chose à ce moment-là. Et dans 50 livres, alors on peut se demander pourquoi faire 6 livres par mois ou 3 livres par mois pour dire la même chose. C'est-à-dire au niveau du message, ouais, c'est clair que bon, une fois qu'on aura basé 18 romans à Nice, 27 à Marseille, 32, on finira par écrire sur Vierzon, parce qu'on aura fait toutes les villes de France, quoi. Et on écrira un jour des poutres sur Vierzon, parce qu'évidemment au début on en a 100 déjà, mais bon, il y en a beaucoup trop, c'est absurde. Et puis bon, il y a quelque chose que tu as prononcé dans le Beninx, mais c'est intéressant parce que Beninx c'est quand même un stalinien, la plus belle eau. Bon, un dénonciateur, un procureur de la... je sais plus quoi, j'ai lu ça, hein, le Fouquier Tinville de... Bon, et Beninx, si tu veux, dans cette collection libertaire, est quand même un vieux stalinien, comme on n'en fait plus, qui referait les procès de Moscou s'il pouvait, et d'ailleurs qui essaie de les faire. Alors ça aussi, moi, ça me paraît extrêmement douteux. Parce que dire d'un côté, alors, on a Bakounine et Thorez. Alors vivre sans... voilà, ça vous paraît naturel comme association, moi pas. Moi ça passe pas. Et ça fait partie des choses, je crois, qu'il faut dire. Alors il donne des leçons, Monsieur Beninx donne des leçons. Voilà, à toutes les libertaires, à toute l'ultra-gauche, au nom de quoi, hein. Il n'est même pas trotskiste, ben, c'est pas bien d'être trotskiste, c'est lamentable. Après, il s'est mis pire que ça, c'est vraiment un stalinien de base, au sens le plus blaireau du terme, quoi. Mais un stalinien ben, de choc en plus, parce que c'est la flicaille. Bon, et ça, je trouve que ça pose vraiment un malaise par rapport à ce genre de collection. Un type comme Beninx, c'est le dernier qui devrait y être. Ah oui, moi, en plus, moi, j'ai un héros là-dedans, il y a un tueur, les gens me disent, merde, j'ai un tueur lamentable dans le bouquin, il meurt très vite, il se fait tuer, il s'appelle Beninx, tu vois, et j'ai un personnage. Bon, ça, tu n'as pas été censuré, ils ont gardé le nom. Ils ont gardé le nom, tu vois, mais bon, maintenant, le prochain bouquin que j'écris, c'est un alias, on parlera d'alias après, ah oui. Et alors, à chaque fois qu'il y a un personnage merdique qui apparaît dans le bouquin, il s'appelle pas Beninx, mais un nom qui ressemble, je change de nom. Il y a un mec qui est dans une ambulance, il y a un accident, il se casse la jambe. Il tombe de soi, il était dans une ambulance, il n'avait pas la jambe cassée, on l'emmenait, je ne sais plus pourquoi. l'ambulance se plante dans un mur, il tombe de la civière, il se casse la jambe, et il s'appelle Bénin, celui aussi. Et tous les mecs à qui il arrivait des merdes, ils vont s'appeler Ténin ou Rénin, j'ai envie, tu vois. Je pense qu'il va. Ouais, donc j'ai lu le premier, il y a cette nouvelle série en fleuve noir qui s'appelle Alias. Donc le premier volume c'est Quadrupani. Et alors c'est un personnage style Fantomas. Au niveau écriture, il n'y a rien de nouveau. Mais en fait j'ai apprécié, il y a pas mal de piques et de. Enfin, c'est un bouquin que je qualifie de libertaire par les idées qu'il balance dedans. Effectivement, il y a un nain, c'est la nain qui va dedans aussi. Et Alias, est-ce que ça se veut l'anti-poulpe ou c'est parce qu'il y a un créneau financier? Bon, ouais, si ça peut permettre à des gens comme toi de gagner leur vie, pourquoi pas aussi C'est pas une raison non plus. la CRS aussi, non? Ça n'en fait jamais une excuse, malheureusement. Non, mais sinon, pour revenir au fait de se faire censurer, est-ce que ça te choque? Personnellement, mais moi, je vais me donner une réponse que vous n'avez pas acceptée. Moi, ça m'amuse. Personnellement, je me dis, putain, il y a encore vraiment des enculés, ils censurent toujours, c'est très bien. Bon, moi, ça me rassure, dans Vincent, de dire, mais c'est pas une bonne réponse. C'est une réponse personnelle, individuelle et sans intérêt. Je me dis, il y a quand même des trucs qui les font chier encore. Je peux les emmerder dans une censure, je suis tout content. Parce que je suis vicieux. Mais normalement, je devrais pas être content. Alors, la question que tu as posée, c'était pas sur censure, c'était par rapport à pourquoi cette collection, est-ce que c'est l'anti-poulpe? Oui, c'est l'anti-poulpe. Bon, c'est sa qualité, son défaut. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ambigu de faire une collection. Est-ce que c'est vraiment pour le fric? Non, parce qu'ils n'ont pas envie d'en sortir autant que des poulpes. Et que je pense que c'est pas le but des Ténin, de Quadrupani. Et en revanche, ce qui est assez marrant, c'est que bon, il faudrait peut-être parler de Quadrupani, qui a été une des principales victimes justement de Ténin. Quadrupani est quelqu'un qui a toujours été, à mon avis, quelqu'un de très intègre dans les combats au quotidien, qui a fait des tas de choses, qui a fait des revues, qui était aux côtés des sans-papiers, etc. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu une espèce de mode d'attaquer Quadrupani, tu vois, dans ces milieux. Alors, tout le monde est bon, on est tous gentils, mais alors laisse enfoiré de Quadrupani. Bon, et ça, et évidemment, Ténin n'a jamais raté Quadrupani. Et il y a un numéro de La Banquise où, effectivement, il y a des textes qui sont très discutables et qui passent à la limite de l'antisémitisme. Et le malheureux, ça fait combien d'années que c'est sorti? Depuis des années 80. Hein, c'est une douze boulet qui traîne. Alors les mecs, ils en rajoutent parce que c'est facile, tu vois. Quand il y a un mec qui en a déjà 12 dans les bras, t'en as le 13e, t'es sûr qu'il pourra le prendre, tu vois. Et toujours Quadrupani, alors que qui a vraiment pas fait grand chose, en tout cas beaucoup de choses très chouettes. C'est vraiment des combats de type libertaire réel. Et alors l'autre pourri de stade de Ténin, personne, pratiquement, non, c'est vrai. Dans le monde libertaire, il y a une très belle dénonciation d'ailleurs. Il y a eu un truc qui a été fait très chouette. Sur la ouais. Par un ouais. Je ne crois pas que ce soit très clair. Ouais. C'est pas très clair. Non, enfin bon, c'est quand même, c'est pas très clair. Renaud, il avait écrit une circulaire, je crois, à un groupe EFA, pour dire que c'est mal vu d'être Quadrupani lors de. Ah, il avait fait ça, lui? Ouais. Ah ouais. Ah bon, d'accord, c'est très ambigu. Ah d'accord. Mais bon, peut-être qu'il était dans la confusion, parce que Renaud avait, tu vois, Marie-Cour. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, alors là, ça devient franchement... Non, c'est ça. Le truc, c'est que... Un mec comme Renaud, pour moi, comment tu le vois, je dirais devant lui, c'était là. Hein. C'est un peu comme un Demex, mais... De l'autre côté, hein. Quoi. D'accord. D'ailleurs, ce type, c'est les commissaires politiques, effectivement. Il y en a partout. C'est dommage, il y en a même chez les jeunards, il y a des chefs et des flics. Mais ça existe dans les milieux, les organisations anarchistes. Il y a des types qui disent voilà, il faut penser ça et pas ça. Et Renaud, pour moi, ils ont ce type-là. Bah, l'article est renvoyé dos à dos à Quadrupani et puis Ténin. Hein. Il est traité de crétin, Quadrupani. Ah, exactement. Oui, quand même pas jusque-là. Non. Si. Tu l'as lu vite. C'est vrai. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que je trouvais, bon, c'est effectivement. Je trouvais un peu réducteur de dire Ténin, c'est un petit orsalien, bon, bien sûr. De dire il est le pompon attaqué par Quadrupani, etc. Bon, comme si c'était quelque chose qui se déroulait dans un petit milieu. Parce que ça pouvait paraître il y a un an et demi. Je veux dire, aujourd'hui, ça, c'est quelque. il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement des nains, c'est une espèce d'hystérique. Je veux dire, autour de lui, c'est beaucoup de monde, c'est la gauche, l'extrême gauche, etc., avec le renfort maintenant de gens comme Pontonis et autres. Et ceux qui attaquaient, c'est pas Quadrupani et Nové, c'est pas les révisionnistes, c'est même pas l'ultra-gauche, c'est toute position révolutionnaire. Et quant à Reynaud, son truc dans le monde libertaire est répugnant. Parce que sous couvert de renvoyer ces deux positions dos à dos, je veux dire, mine de rien, il a beau dire qu'il renvoie dos à dos, il est insultant, vraiment graveleux. Avec Quadrupani et Dové, il est beaucoup moins avec les autres. Et ensuite, il faut lire le dernier paragraphe avec attention, où en gros, il explique que oui, bien sûr, on est révolutionnaire, mais aujourd'hui, il y a une urgence parce que le Front National est en train d'arriver au pouvoir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce nouveau fantasme. Mais, je veux dire, c'est ce que disent les uns et les autres. Et que donc, il faut. Non, mais je suis entièrement d'accord sur ce que tu viens de dire, et c'est effectivement les positions de Jean Auvert. Il y a un bouquin de Louis Jean Auvert, que tu connaissais peut-être, et qui vraiment, bon, si tu veux, dénonce la gravité de ce phénomène-là, quoi, parce que, à part cette espèce de front bien-pensant, on n'a plus droit à l'existence. Si on n'est pas dans ce front, il n'y a plus de gauche après eux, eux, c'est vraiment la gauche, c'est vraiment la révolution, c'est eux, et si on n'est pas dans leur camp, bien, on est d'extrême droite. Ah, du coup, d'ailleurs, en plus, ils jouent facilement à ce jeu. On n'est pas dans ce qu'on a, donc on est de l'autre côté, tu sais, l'espèce de truc des communistes, là. C'est très à gauche, tu tombes à droite, donc tu es obligé de voilà. Ouais. Comment tu expliques que toute cette polémique soit née, pour en revenir à notre sujet, dans le milieu du polar? Parce que c'est le seul milieu littéraire, entre guillemets, qui se vende, en réalité. Bon, alors, il y a quelques, autour des Goncourt et de ces conneries-là, on fait mousser quelques bons hommes, mais il n'y en a pas 25, heureusement, par an, tu vois, 3 ou 4, ça suffit. Bon. Et c'est vrai que je connais pas un nom, mais enfin, je vais prendre un nom ancien parce que ça fait 30 ans que je ne dis pas ces gens-là, mais tu peux pas faire ça avec François Stagan, tu vois. Ça marcherait pas, quoi. Donc, c'est vrai que le polar, c'est vrai que ça se lit, c'est énormément lu, et que c'est sans doute ce qui est le plus lu. Et je crois que c'est vraiment pas par hasard. Donc, c'est stratégiquement, c'est là où les choses se passent le plus, de quantité. Donc, c'est ça la réponse. En plus, c'est quand même assez jeune, c'est assez porteur. C'est vendu partout, dans les kiosques de gare, donc c'est entre guillemets une littérature prolétarienne, entre guillemets, de masse, entre guillemets toujours. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, un enjeu autour de l'héritage de Manchette? Tout le monde tira un peu la couverture de Manchette à soi. Manchette, c'était bien pratique parce que ça les empêchait de penser, ils pensaient pour eux. Non mais c'est vrai. Manchette avait des défauts, comme tout le monde, on en reparlera, mais c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que Manchette, c'était une sorte de façon de dire, on a Manchette il dénoyote les je sais pas quoi, les cerises, oui, parce qu'il y a des noyaux dans les cerises. Et puis nous, on est là, on pense bien, c'est tout ça, on est révolutionnaire, etc. Et au fond, Manchette, il tenait un petit peu les choses. Et à partir du moment où il a disparu, je dirais pas que c'est devenu n'importe quoi parce qu'il a disparu, mais c'est vraiment devenu n'importe quoi. C'est-à-dire. Non, talent quoi, par rapport à la reconnaissance qu'il y a autour de Manchette comme un des novateurs dans le roman noir français, etc. Et que après, la cure idéologique se lève sur un enjeu comme ça, quoi. C'est-à-dire que Danin qui n'en finit pas de s'en faire l'éloge, chacun dit qu'il a tout connu, etc. Donc c'est un peu la place pour être dans le monde de Manchette. Oui, mais je crois que c'est vrai, c'est-à-dire qu'en plus, bon, Manchette, c'est quelqu'un qui avait effectivement un talent qui était le sien, le personnel, pas immense. Bon. Comme avaient du talent des gens de la génération d'avant, c'est-à-dire Amila, on en a parlé tout à l'heure, Arnaud, on n'a pas parlé, J.J. Arnaud, qui a écrit au moins 150 polars, lui qui était vraiment un écrivain populaire, hein, il était au Fleuve Noir, il n'est même pas chez Gallimard. Bon. Et c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas ce problème de marketing. Bon, à partir de Manchette, il y a un problème de marketing. Lui-même en joue d'ailleurs. Il est premier à avoir l'intelligence de ce marketing, si c'est une intelligence, mais il l'a, si tu veux. Il sait faire, il écrit assez peu, il écrit très peu de polars en fait. Si on fait le compte, il y en a 7 ou 8 maximum. Et on en parle comme si c'était un grand écrivain de polars. Ça, à mon avis, c'est un excellent théoricien, c'est pas un grand écrivain de polars. Et ceux qui sont dans sa foulée, dans sa mouvance, sont en général beaucoup plus mauvais. À part quelques exceptions. Bon, genre Pénac ou des gens comme ça, mais je pense pas que Pénac, par exemple, ait beaucoup essayé de se faire de la publicité dans le style moi je pense ce qu'il faut, j'ai raison, etc. Je crois que c'est... Et, ça, et là il y a un problème, celui, il y a un problème de marché, il y a un problème de putasserie, il y a un problème de part, comme disait Mathieu, il y a un problème de... Il y a vraiment des problèmes modernes, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de faire, on vend des choses, quoi. Quoi qu'on fasse, on vend. Et ça, c'est assez... Oui, mais finalement, quand tu parles de Elena, Mina, Georges Arnaud, ce que tu mets en avant aussi, c'est les conditions de la production du roman et de l'écrivain comme travailleur, en fait. Enfin, je sais oui. pas comment. Oui, non, mais c'est... Même bah, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, le type se retrouve dans une position, enfin, moi, ce que j'en ai compris, qui correspond finalement à une position d'anarchiste dans la société, etc. Et que les conditions de production des polars aujourd'hui ayant changé, celui qui écrit des polars aujourd'hui est beaucoup moins un rebelle, un travailleur à la chaîne qui va écrire un roman à l'année, etc. Mais un type qui va être un petit intellectuel de basse-cour politique comme ça. Oh ben c'est exactement ça. Hein. C'est vrai que cette génération-là, bon ben c'était des prolos, quoi. C'était des prolos, c'était des mecs qui étaient arrivés à des normes de production, hein, qui n'avaient pas l'impression d'être des grands auteurs. Ouais, c'est ça, pas reconnaissant. Ça déjà. Et qui étaient effectivement sans doute beaucoup plus lus quand même que la plupart de nos auteurs aujourd'hui, les plus connus, pour la bonne raison qu'à l'époque des livres étaient plus lus, et que des collections comme Le Fleuve Noir, je pense à Arnaud, ça inondait, quoi. Le Fleuve Noir, le mec, il en vendait quand même tranquillement 10 000 à chaque parution. C'est énorme. Personne n'en parlait, ça intéressait personne. Et quand on prend Elena, par exemple, Elena, lui, c'était vraiment le type qui créait sous 8 pseudonymes pour faire des romans. Il passait d'une collection à l'autre, il écrivait à toute vitesse. Et il avait une vie assez épouvantable, d'ailleurs. Mais ces gens-là étaient vraiment des auteurs prolétariens qui, d'ailleurs, n'avaient pas de coquetterie d'écriture. Là, j'en parle dans mon petit article sur Arnaud. Mais Arnaud, à un moment, je crois que c'est Guéry qui lui dit, mais vous n'avez pas l'impression des fois quand vous écrivez que vous ne prenez pas vraiment de temps pour vous relire? Et Arnaud rigole, elle lui répond quelque chose, mais j'ai jamais eu le temps de me relire. Si vous imaginez que, ah, si je fais comme les écrivains, qui commencent à 10h du matin, qui à 10h30 réécrivent la première page, à 11h il la réécrivent, à 11h30 il la réécrivent, à midi la boucle. Mais lui, en ce laps de temps, il en a écrit 30, c'est ça la différence. Et il explique que le rythme de son polar, le rythme de ce qu'il écrit, c'est un rythme ben, naturel, entre guillemets, qui est son rythme, mais qui n'a pas la situation de luxe de se payer ce genre de questionnement sur « Oh là là, la page, alors là, qu'est-ce que je vais faire ?» Et c'est ça, c'est votre mentalité. Que chez Elena, par exemple, il y a des passages qui sont vraiment d'une écriture sublime. Puis oui, au milieu, mais c'est bon. On sent qu'il laisse couler, quoi. Mmh. Qu'il est pris par l'intrigue, ou qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer, donc là, il se laisse aller, quoi. Et puis, moment, il y a des phrases qui sont super. Ah, c'est vrai. Et puis d'autres moments, c'est n'importe quoi. Chez Elena, il y a à la fois, comme tu dis, des phrases dans des bouquins. Des... Sur la masse, sur 200 bouquins, il y a 10 chefs-d'œuvre quand même. Il y en a 10 qui sont excellents au niveau roman noir. Là, c'est vraiment le roman noir. Type, le gars sur le... D'ailleurs, ça a été republié dans une collection de 10-18 qui s'appelle La Poisse. Et c'est tout à fait ça, c'est le type qui sort de prison, il pleut à torrent, il dégouline de partout, et à lire, on sent vraiment ses fringues qui dégoulinent, son impair, machin. Il va voir ses anciens copains, on le laisse tomber, ils le trahissent, il a une copine, elle le trahit, il a tout le monde à dos, mais c'est vraiment, je crois, parmi les meilleurs trucs de roman noir. C'est la nuit, c'est glauque, on voit les cafards partout, là, qui courent, ça c'est clair. Et en plus, aujourd'hui, il serait censuré, parce que par exemple, dans Tora la peau de Salvador, ou je ne sais plus lequel, qui se passe pendant la guerre d'Espagne, putain, mais... Bon, en plus, lui, il est anard, mais les anards, ils en prennent plein la gueule, ils sont toujours bourrés dans ces romans, ils se lèvent pas le matin pour aller se battre parce qu'ils ont trop bu, enfin, je veux dire, c'est monstrueux, mais c'est chouette, ça le dit, c'est comme ça. Mais maintenant, il ne serait pas publié, on lui dirait, non, camarade, ça va pas, c'est pas possible, présente-nous quand même des gens qui sont un peu mieux, quoi, et ça, j'espère, hein. Non, mais il a pris des caricatures. Non, mais c'est ça, on ne s'enlève pas à la vie à ses bouquins. C'est vrai que c'est plutôt sympathique. Tu peux nous parler un peu de Georges Arnaud que... Alors, Georges Arnaud, oui, que j'ai évoqué, c'est véritablement un cas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrivait probablement plus de... parfois jusqu'à 2 romans par mois. Et alors, il faisait des polars. qui écrit toujours en vie, qui est pas très loin d'ici, je crois qu'il est près de la Seine, et qui avait écrit une série de science-fiction à côté, qui avait une série érotique dont l'héroïne était irlandaise et libertaire, et ça se passait au siècle dernier, hein, pour le faire, qui était de... C'était des collections de merde, hein. C'était pas, il n'y avait pas marqué anarchiste ou libertaire, c'est que ça s'appelait, c'était Rick qui avait ce genre de collection, c'est une collection de cul à la limite. Et bon, et il avait une série d'espionnage, Le Commandeur, et j'en oublie, hein. Et il a écrit au moins sur 6 ou 4 5 pseudonymes, parce que par exemple la série érotique c'était sous le nom de Hugo Solenza. Bon. Et c'est vrai que c'est quelqu'un dont j'ai envie de parler, parce que c'est vraiment l'écrivain prolétaire, quoi, dans toute sa splendeur. Et c'est quelqu'un qui a toujours été très soucieux du politique, du caractère politique de ses bouquins, et qui disait, bon, c'est vrai, moi j'écris énormément par an, mais par contre, je passe des années à me documenter sur des sujets. Et il y a un système de coupure de presse qu'il explique, etc. Il collectionne tout ce qu'il peut dégoter dans les journaux. Et il y a des gens qui viennent le voir chez lui. Et alors, par exemple, grâce à la fiction, il a parfois écrit le premier sur des scandales qu'on n'avait pas, dont on ne connaissait pas la clé, on ne savait même pas que c'était des scandales. Par exemple, sur les sous-marins atomiques. Il a été un des premiers à dénoncer, je ne sais plus quoi d'ailleurs, parce que ça fait 15 ans que j'ai lu ce bouquin. Enfin, il allait tellement dans tous les sens que parfois il tombait sur des trucs totalement vrais par la fiction. Mm-hmm. Et qui étaient du point de vue de la police ou des services secrets, des trucs absolument imitables, parce que lui, il avait mis des petits trucs bout à bout, puis il s'est dit c'est ça, alors il écrit un roman là-dessus, et puis c'est ça. Et c'est quelqu'un qui a écrit la plus grande partie de son œuvre à l'époque, c'était pas branché d'écrire sur l'écologie, d'écrire sur l'atomique, d'écrire sur des trucs comme ça. Ça lui faisait pas un lecteur de plus, c'était personne n'en parlait vraiment. Il y avait ses lecteurs, mais c'était. Il n'aurait jamais eu un article dans le magazine littéraire dans les années 60 ou des trucs comme ça, c'est pas vrai. Et en fait, il aurait mérité peut-être au fond la publicité, donc en chacun bénéficié. Parce que lui, c'était vraiment. C'est vraiment un écrivain libertaire au sens réel du terme, prolo, ça c'est indiscutable, dérangeant. Ben voilà pour Arnaud, quoi. C'est l'auteur de la fameuse Compagnie des Glaces qui doit faire au moins 60 volumes. Voilà, ça c'est. C'est une des séries les plus longues qui existent. C'est le Fleuve Noir et c'était leur série science-fiction. Ça marchait beaucoup à l'époque. Mais c'est vrai, quand on parle de ça, Fabrice l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on on se rend compte qu'on a cheval entre deux mondes. C'est-à-dire que, bon, aussi bien dans la littérature que par rapport aux réactions et par rapport au marché. C'est vrai qu'actuellement, qui évoquait tous ces auteurs, qui n'a pas mis le petit doigt en l'air, mais presque, hein, on imagine très bien maintenant l'auteur de Polar, c'est presque un luxe. Ça peut être un luxe de pauvre d'ailleurs, c'est pas forcément un luxe de riche, mais on est très très loin des mecs qui turbinaient vraiment pour sortir leur production, quoi, qui étaient vraiment des prolos. Hein. Donc ces prolos-là, ils n'animaient pas des querelles dans Libération, ils n'avaient pas des pages entières dans Le Monde pour parler du révisionnisme, etc. etc. C'est clair que c'était pas. Ils n'avaient peut-être même pas le temps, c'était pas dans l'air du temps. C'était hors sujet. Mais pour revenir au polar libertaire, il pose problème. Il y a des polars libertaires, certainement. Il y a des auteurs de polars qui sont anarchistes. Oui. Mais c'est dit, pour revenir au poulpe et à ces gens-là, pourquoi ils disent qu'ils sont libertaires? Parce que moi, je les ai rencontrés à Nice, ils étaient venus pour un truc qui s'appelait les Plumes Rouges, où ils faisaient de l'antifascisme à la petite semaine, du dimanche, pour toute la gauche caviar, c'est-à-dire, fonctionnaire tranquillement installé, et puis tu vas voter socialiste, et tu vas avoir Didier Denex faire la leçon de morale, quoi. Et il y avait donc de Denex Renan aussi, on n'en a pas parlé, pas. Parce que c'est pas celui sur lequel il y a plus de voix cassées, c'est très mal aussi. C'est celui qui est le bataille comme ça là-dessus. Il est directeur de publication, mais il est directeur de collection. Hein. Je sais pas, on dirait une église un petit peu de Max derrière, comme si c'était tiré la ficelle. Et moi je constate une chose, quand la série noire c'était Duhamel, qui lui-même est écrivain, Georges Duhamel, qui est un mec très connu, qui est un véritable écrivain très connu, on le voyait jamais à la télé, on le voyait nulle part. Hein? Quand Duhamel est mort et que c'était Reynal, on voyait plus les auteurs de série noire, on voyait Reynal dans les interviews. Je veux dire, on a changé de mentalité. Je veux dire, pourquoi un directeur de collection vient, Patrick Reynal, vous parlez de taratata, merde, avant Duhamel, qui a créé la série noire, qui était un écrivain lui-même, et pas des moins connus, et même pas de polar. Qui a régné là-dessus chez Gallimard pendant bien 40 ans, on ne l'a jamais vu. Et maintenant, on a un bonhomme qui arrive, et ben, moi j'appelle ça, c'est des trucs de pouvoir, c'est d'autres mentalités. Et je ne sais pas quels sont ses rapports exacts avec Denac, absolument pas, je ne connais pas du tout, je n'ai aucune réponse par rapport à ça, mais pour moi, ça participe aussi d'un changement de mentalité. Je parlais de la vie du caviar, mais bon, le changement de mentalité, il est sur tous les plans, quoi. On est vraiment dans un univers qui pue assez fort, oui, pardon. Pour reprendre ta question d'un peu de misère, mais pourquoi ces gens-là se réclament de ces idées libertaires ? Moi, je crois qu'il faut prendre le problème à l'envers, c'est pourquoi les idées libertaires aujourd'hui, déjà, ne font plus peur ? Pourquoi ça s'est dilué à ce point-là, jusqu'au point où il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ça, sans réclame ? Je crois que le problème est plutôt à poser sur ce plan-là, sur ce qui est devenu l'idée d'anarchie évoquée. Ah bon, effectivement, c'est un problème beaucoup plus important et beaucoup plus profond. Ça me fait penser un petit peu à la fois où Guillemot était venu au CIRA pour parler de son enquête sur les milieux anards, où il s'était révélé finalement, les gens qui, à propos des gens qui avaient, auprès de qui il avait fait cette enquête, que la plupart des gens qui vivaient anards maintenant désiraient pas du tout le changement radical de société, le changement révolutionnaire, mais plutôt des réformistes en fait. Donc, moi je crois que le problème, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui se plaignent de la liberté, ou qui disent liberté, pour en avoir avec ça. Ouais, c'est le problème de l'héritage de 68, en fait. Au niveau de mentalité et société, quoi. Ce qui est devenu le changement social de mai 68 en France, et comment aujourd'hui. On a l'impression des gens défendent des valeurs par rapport à cette base-là. Enfin, pour moi, c'est une base. Les gens, les anarchistes, ils ne connaissaient pas. En France, il y a eu des périodes du 19e siècle, et puis la grande irruption, en fait, tout ça, c'est des idées comme ça. Et surtout, le mot libertaire, avec ce que ça recoupe, comme on percepte aujourd'hui dans la bouche de tous ces gens, c'est plutôt. J'ai l'impression que c'est surtout la grosse référence par rapport à mai 68 et de dire nous qui sommes donc des 68 à machin, nous défendons toujours, il y a toujours l'aide du fasciste. Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport au front antifasciste aussi qui est aussi un problème qui se pose pas dans le milieu du polar qui se pose. Non, parce que c'est vrai que le poisson est toujours noyé. C'est-à-dire, par exemple, bon, parmi ces auteurs comme ça qu'on qualifie de libertaires, tu regardes leur démarche, la plupart du temps, tu découvres qu'ils étaient trotskistes, maoïstes. Ben, faut pas déconner, quoi. Alors, si c'est ça, libertaire, là, je regrette. Moi, je suis Front National, tendance dure, tu vois. Non, mais c'est vrai. On en arrive actuellement. Et c'est là où on joue sur les. Enfin, on joue pas sur les mots, malheureusement, les mots jouent contre nous. C'est-à-dire que. On est en train d'essayer de foutre sous l'étiquette libertaire n'importe quoi, et n'importe quelle trajectoire en plus. Hein. C'est-à-dire, on va être obligé de raconter tous les jours aux gens ce que faisait Trotsky, ce qu'il a fait à Kronstadt, on va être obligé de... On a l'impression qu'il faut recommencer à zéro, mais peut-être pas à zéro de zéro, mais c'est vrai que malheureusement, il va falloir encore répéter des vieilles évidences qui n'en sont plus. Et on a peut-être trop tendance à considérer qu'on sait et que les choses sont sues. Acquises. Hein, sont acquises. Et après tout, il faut peut-être qu'on redevienne beaucoup plus méchant, il faut qu'on fasse fermer les gueules, il faut qu'on redise les choses et dans tous les contextes possibles quand ça se présente. Parce qu'autrement, on est vraiment de là, que c'est chouette, quoi. Vive le front, anti-front, bien. Mais il ne faut pas faire comme le front, il ne faut pas faire fermer les gueules, il faut expliquer. toute façon, on n'est pas beaucoup, c'est pour faire ça. Oui, il faut expliquer. Oui, parfois dit, mais... Oui, il veut dire par là qu'il faut, il faut réfuter certaines choses qui courent les rues et qui sont très vagues. Tu vois, va fermer les gueules, ça ne veut pas dire on va peut-être pas... Ouais, même le parti communiste, si on le prenait à bras le corps, ils sont peut-être encore beaucoup plus nombreux que nous quand même, tu vois, même sur leur déclin. Alors il ne faut pas se faire trop d'illusions, on va pas leur casser la gueule un par un, tu vois. Mais, on peut essayer, mais... faut pas surestimer leur état de décomposition. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que des gens n'ont pas été séduits, si tu veux, de voir la, entre guillemets, la pensée libertaire apparaître presque au grand jour, comme ça, sous couvert de littérature, et que des gens se sont dit, on parle de nous, on agite un petit peu la fourmilière, tant mieux, ça va nous faire des trucs, quoi, ça va nous apporter une... Et puis après, bon, ça s'est complètement dévoyé. Mais au départ, moi, je pense qu'il y a des gens à qui ça, leur ego personnel s'est senti renforcé par cette médiatisation, quoi. Et que, après, il est sur le contenu. Non, mais je crois que tu as raison. C'est ça, au départ, c'est quand même quelque chose qui est assez naturel. Hein. C'est bon, c'est la famille, bon, on le dit, c'est ça, ouais. Tout, donc c'est vrai. Ça amène à la question personnelle. Puisque c'est comme ça, et puisque c'est censuré, qu'est-ce qui fait que tu publies le bouquin? Ah bon, moi, je bosse. C'est-à-dire, moi, je serais. J'ai envie, quoi. Voilà, c'est tout. C'est cool. Donc, c'est bien, une question personnelle. Là, c'est vraiment comme pour gagner ma vie, quoi. C'est clair. Mais vous n'avez pas l'impression que toutes les filles étant exploitées, il ne restait peut-être que celle-là pour apparaître d'une manière originale, sans qu'elle ne soit pas parfaitement définie. Parce que dans le fond, libertaire ou l'anarchisme, c'est quelque chose qui est très difficilement définissable, on peut toujours se prétendre. Hein? C'est s'abriter derrière une vague idée philosophique qu'on n'a pas à définir d'ailleurs. Et Jean-Bernard Puy, excuse-moi de t'interrompre, mais il disait cette chose-là, il disait exactement la même chose que toi, c'est-à-dire qu'il disait l'anarchisme à propos de Audrey Maupin et Florence Ray. Il avait fait un article dans l'Alternative Libertaire France, et il disait l'anarchisme, la grande force de l'anarchisme, c'est que tout le monde peut s'en revendiquer, et qu'il n'y aura jamais personne pour dire non, c'est pas... Alors moi, j'avais pas vraiment vécu ça de cette façon-là. Mais c'est ce qui pensait. Il y a des attaques, il y a des choses à attaquer quand même qui ne sont pas attaquées, qui sont 10 fois plus graves que ça. C'est quand les petits voyous, il y a 3-4 ans, avaient tué 2 flics et les journalistes disaient voilà, c'est des anarchistes. Et ça, ils font beaucoup de mal à leur truc. Ou quand la situation en Albanie, on dit que cette nation est une nation anarchiste, je dis non, au contraire, c'est contre l'anarchie, puis c'est la loi du plus fort, la loi des armes. Mais ça, c'est encore 10 fois plus grave, parce que c'est la population française entière qui entend anarchisme égale guerre, égale comme ça. Et dans le polar, je ne suis pas que contre ça, que contre des gens qui ont plus ou moins de couleurs, et tout, mais qui peuvent aussi servir de problème, même s'ils ne sont pas purs. On n'est pas aussi la liberté, c'est aussi d'être un peu impur, des fois, d'être un peu con de temps en temps. Mais ce que tu dis, c'est vrai que par rapport à la... Au roman policier au départ, c'était aussi une des choses qui apparaissait quand on parlait des anarchistes et Gandhi et choses comme ça. Arsène Lupin. On l'a présenté, c'était Marius Jacob, quasiment, c'était la même chose. Oui, ça, c'est Marius Jacob ou Alexandre Marius Alexandre, il y avait Marius Alexandre Jacob. Et c'est vrai que c'était le modèle. Mais c'est lui qui aurait pas. Maurice Leblanc s'est inspiré de Marius Jacob et a dévoyé le personnage parce qu'il a fait d'un. Marius Jacob était un cambrioleur, mais reversait quasiment tout ce qu'il volait aux organisations anarchistes. Une partie. Oui, une partie. Ah, peut-être qu'on d'accord. Les héros, vous pouvez dire plus vous. Okay. Mais bon, ils ont été inspirés du personnage de Marius Jacob, qui versait une partie, mais qui se disait anarchiste, alors que Arsène Lupin n'a rien d'anarchiste. Pas tout le monde c'est un gentleman sans brioleur. Pour vous dire plaisir, je suis d'accord sur Marius Jacob, l'individu lui-même, lui était responsable d'un art. L'organisation, voilà, c'est au moins. Si on parle de Marius Jacob, il a été établi à son procès, parce qu'on vient faire ça, un vrai procès, un long procès, qui vivait avec 5 francs par jour. Oui. Comme il volait beaucoup plus, qu'est-ce qu'il faisait de cet argent? On n'a jamais dit que Marius Jacob avait été aux Folies Bergères, qu'il s'offrait des danseuses hors de prix, ou ainsi de suite. Mais il n'était pas tout seul. Non, mais il y avait un système. Les travailleurs de la nuit, c'était pas isolé. Mais après. Ceux qui reversaient. Au moulin, c'était relativement limité. Mais Marc Jacob lui-même est à peu près inattaquable, mais à côté, c'est pas aussi vite que ça. Non, non, mais là, pour les travailleurs de la nuit, c'est que ça s'est déployé assez vite. Hein. Il faut qu'on arrête les mythes des héros, ça c'est sûr. Hein, Mais il faut remarquer que le mythe d'Alexandre Jacob n'a jamais pris. Hein. Et on mesure. Nous, on le connaît parce qu'il est dedans, au milieu, mais à l'extérieur. Oui, parce qu'en scène, finalement, dans Alexandre Jacob, c'est intéressant. Point de vue, s'il fallait en faire un héros au match, c'est pas vraiment Arsène Lupin. C'est pas vraiment un cambrioleur. Certainement un cambrioleur. C'est pas vraiment ça qui est intéressant. Ce serait plutôt le bagnard, quoi. Non, mais même le cambrioleur, parce qu'il. Au départ, Jacob, il n'a pas cambriolé n'importe quoi, n'importe comment. Et oui, en plus, il a des sites bien particuliers. Après, on va chercher du fric là où il y en a. Ça se dévoile, le système. Hein. Alors, si le personnage, lui, reste propre du début à sa mort, sur la globalité du système, c'est un peu la bande à bono. Il y a de tout et son contraire. Jean-Pierre, Est-ce que tu peux, puisque tu as écrit le bouquin, est-ce que tu peux nous dire ce qui est dans ce bouquin et l'anarchie? Parce que moi, j'avais l'impression qu'en fait, quelqu'un qui a écrit un bouquin peut écrire un bouquin noir en milieu fasciste, en milieu anarchiste, en milieu trotsky. Quand on sait écrire un bouquin, on peut le faire, on prend des documents, tout ça. Alors, par exemple, toi qui as écrit ce bouquin, qu'est-ce qui est vraiment anarchiste dans ce bouquin que tu as écrit du poutre, c'est ça? Alors, ça veut dire, moi, j'ai pas dit que ce qu'il y avait dans mon bouquin, c'était anarchiste. Je peux te dire ce que j'ai mis dans le bouquin. Après, tu. Bon, moi, c'est un truc, il s'appelle le Don Quichotte et la Manque, hein, donc ça se passe dans les milieux du football. Le héros négatif, il s'appelle Bernard Carpet. Bon. Et si vous voulez, c'est un bouquin qui dénonce un peu les collusions qu'il y a eu entre, disons, une certaine gauche capiste et l'extrême droite, j'ai bien dit l'extrême droite italienne, tendance Berlusconi. Voilà, c'est ça le sujet. Mais léger, tu vois. On rigole, quoi, c'est pas. Alors, j'ai pas dit que c'était anarchiste, j'ai dit, bon, après, tu décides si la dénonciation d'un truc, c'est pas forcément anarchiste ou pas. Il n'y a pas marqué auteur anarchiste. C'est... Mais puisque le héros, le couvreur, est libertaire, donc ça il fait ça pour la bonne cause, tu vois. Il fait pas ça pour aider Carpet. Bernard Carpet, et puis ni pour remonter l'OM, tu vois. C'est des buts plus nobles. Et sinon, c'est ça pour foutre la merde. Ça, c'est une bonne, je crois que c'est une bonne optique par rapport à un héros libertaire, c'est parfois de mettre les pieds dans le plat. Ça, c'est une réponse à ta question, par contre. Est-ce que tu crois que ton bouquin va pas être censuré comme... Pas de les lire, de les écrire. Ouais. C'est-à-dire, n'importe qui, c'est pas... C'est le seul risque, enfin, il n'est pas pile, c'est le jeu. Bon. Sinon, dans ce pour revenir à cette collection du poulpe, il existe une grille, on nous demande que le personnage, les différents personnages fassent ci et ça, qu'il faut citer des marques de bière. Ouais, mais ça c'est bien. Les marques de bière, moi ça m'a bien plu parce que ça j'ai Tu peux nous parler de cette grille, est-ce que c'est pas contraignant quand on écrit, est-ce que ça bride pas un peu la liberté de l'écrivain aussi d'avoir une grille et d'être obligé d'entrer dedans, ou alors est-ce que c'est un exercice un peu comme font l'Oulipo, un exercice imposé et s'imposer cet exercice d'écriture? Moi je crois qu'il faut le prendre comme ça, hein. C'est-à-dire c'est un boulot, puis il y a des critères, quoi, hein. C'est vrai que si je me demande de faire une armoire et que je te fais une table, tu ne seras pas content, tu vois. Bon, et puis c'est vrai, tu garderas, tu ne paieras peut-être pas la table. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je ne leur reproche pas de faire une... Ils ont fait ce qu'ils appellent une Bible, c'est intéressant. La Bible, il y a marqué, alors bon, le héros, il mesure tant, il a tel âge, il est habillé comme ça, il boit tel type de truc, il ne boit pas tel autre type de... Sa gonzesse, elle est comme ceci, comme cela, pas autrement. Bon, mais c'est le jeu. Hein. C'est vrai qu'on cite l'exemple d'un feuilletoniste du siècle dernier qui était Ponson du Terrail, qui vivait comme un malade et sans arrêt. Et alors lui, comme ça, il avait ses propres règles, puisque les bouquins suivaient, et un jour, il avait des personnages, il avait des petites figurines pour s'en souvenir, et quand il en tuait un, il renversait, c'est sur sa cheminée. Et un jour, la femme de ménage, elle a redressé, donc au tome suivant, le mec, il est revenu fringant, il y en a deux ou trois qui étaient bien morts, voilà. Mais bon, c'est ça les règles, il vaut mieux les âges, c'est vachement chouette, hein. Et sinon, au siècle dernier, il y avait un auteur de romans flop comme ça qui était dans le milieu anarchiste qui s'appelle Michel Zévaco. Est-ce que tu peux en parler? Ardaillon. Alors, bon, Michel Zévaco, c'est vrai que ça fait un milieu parce que c'est le Dumas anarchiste en fait, hein, libertaire. Et, bon, le Pardaillon, ouais, c'est toute une série. son héros, ça se passe. Il y a la Cour des Miracles, donc ça se oui, passe. Oui, Louis XIII, oui, il y a. Louis XIII, ouais, même un peu avant. Oui, un peu avant, ça commence à Henri IV, Henri III, avec Catherine de Médicis. Voilà. Oui, parce que j'ai pas lu mes classiques, mais j'ai beaucoup lu Zévaco quand j'étais. J'ai Arsène Payard, ça paraissait à tes époques. Eh, c'est donc, à ton époque. Oui. Non, ça m'a précédé. Ça m'a précédé. On l'a fait pour plus vite. Bon, oui, mais là, c'était le héros positif, le redresseur de tort. C'était pas le héros de Polar. C'était pas... Encore qu'on le voit réapparaître avec Iso, là. Ce flic, après, ce flic de rencontre, de hasard, et puis qui finalement est antiraciste, essaie de sauver la mise à ceux qui croisent. Et, mais est-ce que tu penses que quand il parle du Lagavulin que je ne connaissais pas, ou de Rosé de Saint-Quénin, il est tout contraire hein? Non, ça non. Parce que si quelqu'un peut me dire ce qu'est le Lagavulin, je suis tout disposé à le goûter. Moi. Ouais, c'est un des meilleurs mal. Oui, là on est passé de Zévaco à Aïs. Alors là, vous pouvez y aller, non, c'est vraiment, tu peux y aller, c'est vraiment un mal excellent. Bon, le Zévaco, c'était le héros positif, il était toujours là à redresser le... à se dresser contre le pouvoir, les puissants, en faveur de la veuve, de l'orphelin. De toute façon, c'était l'arrivée du lourd, il n'y avait pas non, de négatif. Non, mais attends, non. Ce qui nous apparaît, c'est que le message était libertaire tout au long de tous les temps. À un moment donné. Moi, les évacuons, il n'y a rien de libertaire là-dedans, ces aventures des par ailleurs. Les évacuons lui-même étaient libertaires, Je suis désolé, je crois que c'est dans Trancavel ou quelque chose comme ça, il y a le roi de la Cour des Miracles qui est le héros et qui définit la société future. Et bien c'est de l'anarchie pure, la société future vue par le roi de la Cour des Miracles, qui était un ramassis de bandits, bon. Et lui, il vous définit, et de temps en temps, même dans les parlayants, il y a un petit message libertaire qui passe. Alors relis-le, tu vas voir. Nous avons deux versions, il faut relire. Zévaco, il y a une émission sur France Culture. Et France Culture a donné 1h30 de Michel Zévaco, qu'elle a remis, comme on a jusqu'ici, moi-même je faisais un complexe, je disais, bon, Alexandre Zévaco, c'est le Dumas du pauvre. Hein? C'est méchant, hein? Oui, normalement je voyais ça comme ça. Et puis j'ai commencé à avoir un doute, c'est quand j'ai appris que Sartre, ça faisait partie de ses humanités. Alors je dis, si Sartre l'a lu, moi je ne suis pas tout à fait couillon. Bon, je suis naïf. Hein. Mais là, ils en ont parlé pendant 1h30. Même au point de vue du style, au point de vue littéraire, ainsi de suite, ils l'ont revalorisé. Ils ont dit non, il n'est pas sous-estimé, loin de là. Mais c'était toujours la même cause, le héros qui se battait contre les injustices. C'est-à-dire que dans le polar, le problème c'est de résoudre l'énigme. Ouais, enfin Iso, ouais, c'est ça. Hein? Et à Iso, je te vois côté l'impression d'Iso, bon, il y a des années que je ne lisais plus le polar. Hein? Et puis on me prête à Iso, bon je lis le premier, puis je lis le second. Alors c'était, pour moi ça m'a beaucoup intéressé parce que la couleur locale est très importante. Alors on a envie de reprendre sa voiture et de repasser dans ses rues, et puis même d'aller voir au bout si les cabanons ils y sont. Vous voyez? Donc là, sur le plan local, il doit faire un malheur le gars. Parce que, hein? Pas seulement local. Mais et en plus de temps en temps, il fait des allusions politiques. Par exemple, il cite un quartier qui est pas loin d'ici, la Bête de Mai, je crois, où vous avez une tendance communiste majoritaire. Et puis là, dans son dernier, là, il fait des allusions on en a parlé de ce bistrot, là, le marchand. Les maraîchers. Le maraîcher, là, où la clientèle aurait une grosse tendance libertaire. Alors là, on m'a démenti, il y a une copine qui connaît les lieux, qui m'a dit non. Alors que lui, dans son livre, alors j'ai dit, tiens, maintenant... Mais là, il voit peut-être les coups gratuits, là, par contre. Hein. Ouais. Ça, le maraîcher, c'est possible. Il touche rien sur le whisky, mais les maraîchers, je ne sais pas. On a l'impression qu'il est d'abord mal... Et quand il voit, on a l'impression, quand le héros voit, on a bien l'impression que c'est l'auteur qui picole. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de Iso? Ben, je trouve ça pas mal, mais c'est vrai qu'il était, il travaillait à la Marseillaise à un moment donné. Alors, oui, mais ah oui, mais et en plus, c'est dans son bouquin, il n'y a que deux journaux lisibles, c'est le Provençal et la Marseillaise. Quand on vient là, c'est le truc ignoble qu'au bout, on ne dit pas. Alors. Et alors, il y a quand même des allusions à la société mafieuse qui nous entoure. Donc, est-ce que ce gars-là aurait eu des relations chez les flics, ou est-ce qu'il a eu une carrière de journaliste? En tant que journaliste, forcément. Et est-ce qu'il a des informations sur ce qui se passe maintenant? Oui, forcément, en tant que journaliste ou ex-journaliste, c'est sûr, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas trop difficile non plus. Enfin, Carré, c'est comme on dit, Phil Carré. En Gatz, non, comment ça s'appelle? Moi, je connais pas. Si on ne l'avait pas prêté, j'aurais jamais repris. Si tu as l'occasion de dire Carré, tu verras la différence avec Iso. Parce que Iso, je ne sais pas si ça pose d'inquiétude, mais il nous reste une semaine à Marseille, on a autant compris Marseille que Iso. C'est un peu un catalogue de clichés. Oui, moi je l'ai vu comme des clichés à la suite. Et qui ça plaît beaucoup aux Parisiens, ça fait des un exotisme marseillais. Le Marseille, oui. Le cartouche-là. Ouais. Moi je l'ai senti comme ça. Mais en même temps, on peut aller jusque-là. Bon, c'est des appréciations. C'est des clichés peut être vrai. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc, pour un écrivain qui écrit sur une ville, moi, la plupart du temps, c'est dit amoureux, quoi. C'est un même film. Je crois qu'il y a un état de grâce d'être marseillais et dont on ne peut pas se défaire. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une question en fait derrière tout ça, que j'ai déjà posée sans la poser, en la posant. C'est que, en fait, bon, on peut être attiré par des auteurs qui décrivent bien, pas forcément par le menu, le prolétariat, je dirais entre guillemets. Alors, le prolétariat moderne chez Iso, il n'écrit pas que ça, mais bon, il y a le cas de Simenon, qu'on a cité. Simenon, il a commencé par être collabo, franchement collabo, sans discussion. Et pourtant, c'est vrai que si on étudiait ce que c'est que les prolos, il a vachement étudié, bien en détail, par métier, il n'a pas fait que ça, mais par profession, par zone, par type de gens, etc. Et c'est vrai que c'est très précieux de ce point de vue-là. Alors peut-être que dans certains cas, on peut être intéressé par ça d'abord. Là, il est votre problème. Moi, je l'ai vu, il a été collaboré en 40, mais il a écrit avant 40. Oui, non, mais d'accord. Et là, on sent très bien qu'il a traversé les milieux libertaires, parce que les psychologies qui sont décrites... Pour quelqu'un qui a connu les milieux libertaires comme moi et lui qui sommes de la dernière jeunesse, on reconnaît quand même les individus qui sont décrits. On sent que le type, il a été dans la mouvance. Non pas militant anarchiste, certainement pas, mais dans la mouvance qu'il a fait. Je m'éloigne un peu, parce que je me méfie de tout ça, et j'ai le livre de là. Et je tiens à signaler un truc, parce que c'est pas du polar, mais Michel Ragon, il a écrit un livre qui s'appelle La mémoire de l'inclus. Bon. Tout le monde m'en a fait des éloges, je l'ai le livre, en disant que c'est bien et tout. Et j'étais scandalisé par les faits historiques, comme il le raconte. Alors, c'est un roman, d'accord. Mais je le lui ai dit, dans une lettre, si roman il y a, au moins que les faits historiques soient racontés comme ils sont. D'accord? Et les faits historiques, ils ont été travestis et pas racontés comme la vérité c'était. Je suis resté scandalisé parce que je suis un témoin de la Révolution espagnole. Et quand il parle du 3 mai, c'est dégueulasse. Je vous dis ça parce que si tous les trucs qu'ils font dans les polars, etc., ils racontent les anarchistes à leur façon, c'est pas ça du tout. Un peu différent, si tu veux, les polars, c'est pas, il y a rarement un héros anarchiste dedans. Effectivement, ce qu'on peut reprocher à Michel Ragon, c'est une vision complètement pessimiste de l'anarchisme, puisque bon, il l'appelle tout de suite la mémoire des vaincus, donc c'est que des personnages à qui il arrive, c'est peut-être ce qui s'est passé dans l'histoire, mais... Il aurait pu... Quand il parle du 3 mai à Barcelone, il dit exactement, le personnage s'appelle Barthélemy, c'est dans la mémoire, qui a fomenté le, la contre-révolution. Dragon, il dit beaucoup de choses qui ne sont pas toujours... Non, alors il a dit Barthélemy, Federica Monseni ou qui? Autrement dit, c'est les anarchistes qui ont fait le putsch. Bah merde, c'est dégueulasse ça, parce que c'est pas vrai. On va l'appeler Michel Aragon. Michel Aragon. Non, mais je veux dire, c'est dégueulasse. Parce que si on dit que c'est les anarchistes alors que ça a été la contre-révolution, même si c'est... Il y a quand même une malhonnêteté là. Non, il n'y a pas de méconnaissance. C'est une méconnaissance. Mais il me l'a dit, lui, c'est un roman, je dis, mais d'accord. Mais si c'est un roman... Mais ne parle pas de fait historique, raconte la vérité, ne dit pas le contraire de ce que c'est. Il est romancier, il est comme Alexandre Dumas ou plein d'auteurs, si tu, il y a une trame qui est historique, mais après, pour le moment du roman, il bifurque un peu. Bon, c'est, quand tu connais l'histoire de la Espagnole, tu dis que c'est un peu embêtant, mais enfin, c'est même... Quand tout le monde le sait qu'il y a un but pour le au mois de mai à Barcelone, que c'est la contre-révolution à partir de là, elle est venue, et c'est pas les hémicycles qui l'ont fait. Alors ça, c'est pour quelqu'un qui l'a vu, c'est dégueulasse. Pour revenir au polar, je vois pas comment on peut faire un détective privé ou un vrai flic anarchiste. C'est le genre de héros qu'on ne peut pas introduire dans le genre. C'est vrai que c'est ça. Il y est. Parce que détective privé ou flic officiel, tu es toujours le nez dans la merde. Oui, mais est-ce que une littérature libertaire, règlement, ça veut simplement dire que ça raconte les aventures d'un héros libertaire? Non, mais Ou simplement que ça décrit le monde. Oui, un monde avec une vision. Bon, moi, tout à l'heure, je me demandais pourquoi, sur ces histoires antifascistes, etc., polémiques, pourquoi c'est démarré dans le milieu de Polar. Tu disais peut-être parce que ça se vend, parce que ça a lieu de diffusion. Donc, je pense aussi que la littérature policière, depuis assez longtemps, c'est la seule qui parle de la société. Qui est une vision sociale. Donc c'est un peu normal qu'elle soit plus en prise, qu'elle ait plus de rapport avec un monde réel. Il y a aussi le pessimisme, ce que tu dis du pessimisme de Ragon. Et le pessimisme dans le polar, c'est quand même le noir dans le sens pessimiste. Ça c'est quelque chose. Et on voit les polars, enfin tous ces gens dont on parle, qui écrivent des romans policiers. C'est très très très noir. Et justement, là, ça pose un problème parce que le type d'anarchisme qui peut être véhiculé par un roman noir, comme ça, c'est un anarchisme tout en négation, tout en. Qui manque peut-être de dynamisme. L'anarchisme des vaincus, en fait. L'anarchisme des vaincus, comme on dit. Oui, l'anarchisme des vaincus. C'est ce Ross McCoy, on achète bien les chevaux, je l'ai vu, ça dans un lointain passé. Les autres histoires qu'il raconte historiques, comme je ne les ai pas vécues, je ne sais pas s'il dit la vérité ou pas. Mais si c'est à l'avenant, c'est pas vrai. Voilà. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas le mouvement, moi, on m'a dit, écoute, ne dis rien, parce que ce livre qui s'est vendu, il a beaucoup été vendu, il a beaucoup fait la propagande pour l'anarchisme. Je dis, mais si c'est cet anarchisme-là, je ne suis pas d'accord. Alors, il vaut mieux qu'il n'ait pas écrit. Je ne pense pas qu'il faille considérer des romans comme outil de propagande. Et celui-là, en revanche, si. Et moi. Non. Ego, moi, d'accord. On ne peut bien parler que celui-là, je le dis, dans lesquels on aussi. Est entré ou auxquels on a participé, finalement. Ils n'étaient pas dans le système, hein. Mais là, c'est... Moi, je sais que, par exemple, quand je parle des idéaux communistes, tous les gens s'aperçoivent vite que j'ai été à l'intérieur. Et pourtant, je ne sais pas, ça transpire, quoi. On dit, tiens, il y a quelqu'un un jour, un militant de pas de petit niveau, hein, pas de dernier mec de la sécu, mais il dit, mais tu, à quel moment tu t'es trouvé dans le parti? Ça remontait loin, ça remontait très très loin, j'étais enfant. Mais la sensibilité, l'imprégnation avait été faite. Donc on ne peut bien parler que dans les choses desquelles qu'on a connues de près ou dans lesquelles on a été plus ou moins impliqué. Alors s'il fait des erreurs, lui, s'il a... Ah mais ça, c'est une grossière erreur, hein. Et il n'y a pas comme moi, il y a beaucoup de gens espagnols qui ont vécu l'histoire, qui ont été outrés. Non, mais je parle, oui, bien. Mais c'est ce que je dis, le reste je ne connais pas. Alors je ne peux pas dire si c'est la vérité ou pas. Mais moi, l'histoire qui m'a dit que Romain, là ça me... Non, mais si j'ai sorti ce livre, c'est parce qu'il y a une photo, de Domingue, sur la tombe de Kropotkine, hein, c'est quand même assez beau, avec une lettre. Hein. Alors, vas-y. Eragon, bon, c'est pas pour Eragon, c'est pas parce que c'est ce livre. C'est parce qu'il y a des photos dans ce livre que c'est intéressant, parce que sinon ce qu'il raconte, il le raconte dans tous ses livres de souvenirs, et il vient d'en sortir un où il dit la même chose. Mais tu as la photo de Menx, donc elle cousait à la tombe de Kropotkin, où il dit que... De qui De Kropotkin. Oui, mais qui est Danax, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Il voulait demander à Kropotkin. Il malgré le stalinisme et la terreur exercée contre les anarchistes, une rue Kropotkin. Ah, Danax, ça va être d'accord. Il y est. Autrement dit, enfin... Autrement dit, c'est juste un document, juste une image. Mais c'est un document. Alors écoute, moi, c'est un truc que je... Les historiens, une fois il y en a un qui m'a répondu, nous pouvons peut-être, je le raconte toujours, c'est ici qu'ils ont fait un colloque sur la Révolution espagnole, et un historien espagnol, il m'a dit, nous ne pouvons pas écrire, que sauf que ce qui a décrit, c'est-à-dire... Et alors moi je dis, c'est-à-dire, vous faites l'histoire d'après ce que les autres ont fait. Vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez pas d'opinion, vous ne pouvez pas contredire. Il m'a dit non. Nous savons, voilà, pertinemment, qu'il y a eu plus de crimes du côté des Franco que du côté rouge. Et pourtant, dans les livres, c'est l'inverse. Voilà ce qu'il m'a répondu un historien. Alors les historiens, je les ai là, hein. Et je me méfie parce que récemment, il s'est arrivé, dans un journal de l'Espagne, ils ont fait un spécial qui s'appelle les 100 personnages du XXe siècle. Et dans les 100 personnages, il y a Federica Monsigny. Bon, alors les copains à nous, ils ont été ravis qu'on parle de Federica Monsigny. Ils ont écrit une boucle comme une maison parce que celui qui a fait la biographie de Federica Monsigny, il raconte ce qui m'aurait plu qu'il arrête, c'est-à-dire ministre, etc., etc. Et qu'elle a promu la loi, une loi, et elle a créé le centre de prostitution libre. Elle a créé le centre de prostitution libre. Alors je vous dis, elle a créé ce que les femmes libres, ils avaient dit à l'époque, les libératoires et les prostitutions. Mais que les copains à nous, ils mettent textuellement ça dans d'autres journaux, c'est affreux. Autrement dit, c'est la Célestine de Bordel d'Espagne, Félix Avesseni. Centre de prostitution libre, en toutes lettres. Alors ça, c'est l'histoire. Alors moi, je dis, si vient un historien de ceux qui écrivent, que ceux qui avaient écrit, elle va être... elle a créé les centres de prostitution libre, alors que c'est pas ça. Ouais. Alors, c'est un peu éloigné de notre sujet. Ça fait rien, ça. Mais tu as raison. C'est pareil. On t'écoute, c'est intéressant aussi, mais est-ce que des gens ont des questions ou des infos sur le polar? Moi, je dévore beaucoup de romans polar, etc. J'ai l'impression qu'avec l'affaire du Kink, ou même avec ce qu'on appelait néo-polar des années 70, qu'il y avait une grande qui avait une connotation politique manifeste, gauchiste et tout ça. Donc c'est pas. Le polar, il a pas pris comme sujet, tout d'un coup, des articles de journaux, des scandales politiques, etc. Et plutôt la réalité sociale, telle qu'on pouvait l'avoir dans le gouvernement américain. L'origine, quoi, en quelque sorte. S'il n'y a pas eu un décalage, finalement, médiatique, du sujet du roman noir vers des faits politiques, des magouilles, des scandales, mais avec cet aspect médiatique des choses, et plus une vraie base qui est l'observation de la réalité sociale pour remonter à des mécanismes de la corruption réelle, etc. Je crois que quand McCoy, par exemple, tu citais tout à l'heure, parlait de la corruption, tout le gangstérisme, ces choses, ah oui, ça, ou Amel, des choses comme ça, c'était des choses qu'ils avaient vécues, qui d'une certaine manière. Ils n'étaient pas forcément dans l'affaire, ou pas du tout, ils avaient souvent été journalistes, ou Ahmed avait été détective d'assurance, ou des choses comme ça. Et c'est là le décalage. C'est-à-dire que nous, non, mais c'est vrai. Oui, il était Pete Carton qui était le briseur de grève. C'est pour ça, après, là, c'est une sacrée contradiction. C'est ça le décalage énorme avec la réalité française, quelle que soit la couleur de l'Américain en question, que ce soit Chandler, que ce soit Ahmed, ou genre de ça. Bon, c'est que ces gens-là sont imbriqués dans une réalité. Alors que dans cette même scène du polar, mais en France, 40 ans après, on est rarement dans une réalité. C'est-à-dire que ça pourrait être écrit par un mec qui a découpé des articles du Monde, qui a fait son petit collage et qui a monté sa petite histoire. Ah, pas toujours. Parmi les plus gros romans noirs, il y a quand même un truc aussi noir de Jomadet, qui est quand même le... C'est notre génération. Ouais, mais qui justement est directement influencé, je pense, par les Américains. Ah bah oui, bien sûr, oui, bah oui, là, c'est les... Pour la sociologie, bien sûr, oui, bien sûr, c'était... C'est... Et qui lui justement, s'enfonce, justement, dans la poste de la réalité sociale, mais vraiment les deux bras dedans, quoi. Et c'est pour ça que moi, dans ce que j'ai pu lire de les trucs récents, c'est plus effectivement une forme de sensationnel gauchisme, etc., avec des lignes pré-découpées, comme dans le coup, et c'est plus la réalité des gens, la mouise, quoi. C'est quand même l'aspect le plus essentiel de vivre au monde. Oui, parce qu'il y a le cas de, comment dire, vraiment la caricature de le contraire de ça, c'est le colonel Durruti. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est le colonel Durruti avec un tour de polar. Avec vraiment le... Alors c'est... Non, mais c'est un sous-nada, enfin même pas, parce que c'est nada, c'est clair. Quoi, il a pris ce pseudonyme, mais enfin, moi je ne les ai pas lus, mais quoi, le contenu n'a rien de libertaire. C'est parce que ça se vendait, ça se faisait vendre de quelque chose. C'est un fantasme de la routine, une organisation clandestine qui fait des actions, ça. Mais en tout cas, il n'y a pas aucune description de la réalité sociale, que ce soit. Ce fantasme. Moi, il me semble que dans. Justement, je ne suis pas un fanat d'Izo, hein, mais dans Izo, quand il décrit ces accumulations d'HLM invivables, ou ainsi de suite, là, il met des bras dans la réalité sociale. Mais c'est vrai qu'Izo, c'est vrai qu'Izo, quand il te parle des puis il les cite géographiquement, il dit voilà, à tel endroit, comment voulez-vous que les gens soient normaux en vivant dans des conditions pareilles? Alors, ce serait plutôt le roman noir que le polar, en fait. Oui. Il y a un roman noir. Là, je ne suis pas assez versé dans la question pour faire la nuance. Non, mais c'est simplement de... Dans la description, comme ça, des réalités sociales, etc., ce qui joue dans le roman, c'est plus le pessimisme de la description, etc., que l'intrigue ou que le héros qui va être audacieux de tort ou pas dans un cochoutre, en fait. Il y a quand même quelque chose qui fait apparaître, c'est l'affrontement des polices entre elles. Ouais. On sait que s'il y a en France 10 polices, c'est pour les qu'elles se neutralisent les unes les autres, je suppose, hein, au Dieu du pouvoir central. Ça s'équilibre. Ça n'apparaissait pas jusqu'ici dans les romans. Tandis que les gens qui participent de la police. À un niveau grand sérieux ou ainsi de suite, on les voit magouillant, décrits par un autre flic, qui a l'air de les cerner exactement. Maintenant, exactement, moi je ne suis pas là pour, je ne connais pas la question, pour lui décider, pour lui dédier un brevet de véracité. Non mais en l'occurrence, ce qui est critiquable, c'est que ça peut laisser ça laisse à penser qu'il peut y avoir des bons policiers. Dans son dernier, la fonction dans son dernier, il y a d'ailleurs un policier positif. Positif. Lui, il est un policier à la retraite, il est impliqué dans une affaire. Oui, il y a un policier bon républicain qui travaille éthiquement. Il y a eu une définition de je ne sais plus quel policier, je crois. C'est dans le roman de Darier, il y a une ouverture, ça serait fais ça au métier, mais j'ai une excuse, je le fais ça au mal. C'était le voleur de Dans quelle catégorie on peut classer le voleur en métier? C'est vrai que ça intéresse quand même. Je ne classerai pas un policier. J'ai lu, c'est un roman. Non, c'est pas. C'est vrai que ce serait plus proche d'Arsène Lupin, entre guillemets. Bon, c'est vrai. Si on veut faire une catégorie, c'est les voleurs. Les voleurs. Ça fait penser à la théorie de la mais ça existe dans le policier, les voleurs. Il y a quelques le voleur, il a une construction. Il y a un héros. Ça fait un peu tout dans l'arrondissement. C'est ça, oui. Il a une construction un peu du roman populaire, peut-être 19e. Mais il a un fond tellement fini, presque, qui se rapproche du roman. Ah oui, mais les personnages étaient particulièrement sympas. Oui, mais c'est un pur individualiste, le voleur. Oui. C'est un pur individualiste. Oui. Il vole. Oui, il vole, mais il n'a aucune solidarité sociale avec les défavorisés. Oui, mais tu en reviens à la question que se posait Brecht. Qu'est-ce qui est le plus indécent, le plus voleur? Voler une banque ou fonder une banque? Tout dépend qui tu voles. Puis Georges Randall, il parle pas d'un point de vue philosophique, il parle d'un Oui, oui, la motivation, est sociale à accomplir. Et dans le roman, il rencontre des libertaires et des théoriciens. Oui. Alors, on y reconnaît plus ou moins Malato, je crois, qui sont en exil à Londres. Oui. Quand il va faire ses transactions à Londres, etc. On y reconnaît, je ne sais pas, Kropotkin peut-être, je ne sais pas quoi. Et qui les a connus aux mêmes endroits en plus. Des anarchistes, un théoricien plus socialiste et un théoricien plus anarchiste. Qui rencontre à Londres et qui décrit, sans concession, quoi, qui dit que ces gens-là sont une bonne parole, mais finalement, il ne les croit pas. Quoi. Il règle ses comptes peut-être avec le milieu anarchiste. Il les écoute, mais il n'adhère pas. Quoi. Oui, c'est autant qu'il ait pu les rencontrer, autant la reprise individuelle, l'ordre, ça devait être un centre d'écoulement des rapines, particulièrement. C'était comme là, c'est toujours eu ce rôle-là, par rapport aux trésors, ça a toujours été des endroits un petit peu en marge, des moyens qui pouvaient régler plus facilement. Voilà, et c'était vrai pour Londres et c'était vrai pour la Belgique, c'était toujours en fait. Et comme au niveau politique, c'était vrai aussi, puisque vous voyez ça, les Londres, c'était des situations. En Belgique, avant. Est-ce qu'on peut passer au Mexique et parler de Paco Ignacio Taibo Dos? Ah, est-ce qu'il y a un Paco Ignacio Taibo Primero? Bah oui, on connaît pas. C'est son père. C'est son père qui doit être un ange. On va demander plutôt à Fabrice. Moi, je ne connais pas. C'est un copain qui a écrit un article. Jean-Charles doit connaître. Jean-Charles a du tout l'air. Partout, c'est pareil. Toutes les gens. Paco Ignacio, il passe à la télé, il est toutes les rues, c'est une star. Ouais, mais c'est quand même compliqué. Alors, quelle est sa particularité à celui-là? C'est des romans qui décrivent assez bien le milieu social à Mexico. Et bon, la police corrompue. Mais bon, effectivement, par ses origines, on l'a classé dans le polar libertaire parce qu'il est du. Je crois que sa mère fait partie de la CNT. Mais bon, lui-même a participé au mouvement de 68 en Mexique, était plus dans les mouvements d'extrême gauche. Bon, c'est vrai, il y a un personnage de détective à qui il arrive plein de misère. Personnage indépendant encore. Une description intéressante. Bon, mais bon, son dernier bouquin, c'est quand même une biographie du Che. Donc, j'ai pas lu, mais qui doit faire comme les autres l'éloge de ce personnage. C'est vraiment bien. Hein? C'est absolument pas critique. Il n'y a rien, aucune critique. C'est vraiment. Alors c'est vrai que je crois que c'est la réponse en fait, c'est pas un auteur libertaire, je vais. Alors si c'est ça un auteur libertaire, tous les copains qui ont écrit sur Joseph Staline en disant que c'était bien, ils sont tous libertaires. Eh oui, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que il y a justement ce que... Par rapport au problème de dire est-ce que le type est libertaire ou pas. Des fois tu vas avoir un type qui n'est pas forcément anarchiste et qui peut te prendre un bouquin anarchiste. c'est quelque chose qui... Je crois que l'anarchisme, ça fait partie de pas mal de gens, pas seulement ceux qui s'en réclament, et qu'il y a une part d'anarchisme dans beaucoup de gens, et que des fois ça sort malgré toi, et que tu vas prendre un bouquin qui est... Regarde le problème par exemple de Céline, qui est un nazi, un antisémite, etc., et qui écrit Voyage au bout de la nuit. Ouais, mais c'était pour faire du commerce, parce qu'en 1936, c'était gauche, ça marchait bien. Moi, attends, le voyage, c'est pas vendu. Le voyage au bout de la nuit, c'est pas vendu au départ. C'est pas vendu, vous. Ça, c'est le premier, c'est mon premier contact avec mon crédit. Mais c'est mon premier contact, ça se vendait, il a fait. Il a voyagé. Je sais, moi je l'ai acheté en vente. Il a acheté. Il faut quand même tenir compte que, avant la guerre de 14, l'antisémitisme était quelque chose de latent dans des grandes parties de la société, étant aussi bien l'anarchisme était quelque chose de très répandu dans la société de l'époque. Alors, si on la connaissait plus ou moins mieux, hein. Bon. Alors lui il a l'air de faire la synthèse de vouloir faire la synthèse des deux dans ses romans. Vous voulez rajouter quelque chose sur Taïro, en fait? Oui, il y en a eu. Jean-Charles, vous voulez rajouter quelque chose sur Taïro? Par contre, quand il prétend pas du tout être anarchiste, mais il y a souvent des personnages anarchistes dans plusieurs de ses bouquins qui sont... C'est pas un fantasme anarchiste, il parle de choses qu'il connaît, simplement. Il y a un de ses bouquins qui est pas un programme, qui s'appelle Deux Passages, qui est très bien. Bon, en plus, c'est un bon écrivain. Qui raconte la vie d'une façon assez structurée d'un anarcho-syndicaliste. Poursuivi. Au Mexique, un Espagnol venant, qui est organisant des syndicats, etc. C'est bien, c'est un roman, mais c'est vachement intéressant. Oui, on le classe. Sur le syndicalisme aussi au Mexique dans les années 20, etc. Par le thème, ce sera un auteur, on classera dans le polar libertaire, par le thème abordé, pas par la personnalité de l'auteur. Oui, mais c'est vrai, il y a deux problèmes. Il y a ce que tu dis, qui est vrai, qui est indiscutable, qui est intéressant, ça ne t'empêche pas de le lire. Moi, je ne participerai jamais à quoi que ce soit à côté de ce mec, parce que c'est un ennemi. Quand on a un mec qui défend Guevara ou Castro, c'est un ennemi. J'irai jamais participer à un truc où il participe, c'est tout. C'est d'opposition, c'est pas... C'est pas inconciliable, parce que ça m'empêchera pas de le lire, mais... Et tu crois pas que... pas un petit espoir qu'on puisse... Ce mec, on l'a baladé dans toute l'Europe avec son dernier bouquin sur Guevara, c'est une crapule. Oui, non, mais je vais... Pas personnellement. Oui, moi, tout type qui fait un culte... de la personnalité, qu'il soit anarchiste ou qu'il soit... Je dis, c'est un type illisible. L'objectivité veut qu'il y ait des ombres sur tous les personnages, en commençant par moi, bien sûr. Mais quand on commence à dire quelqu'un est tout beau, tout doux, que le cas du Tché, le cas qui s'est produit dans nos milieux aussi, eh bien, c'est pas vrai. Ça n'a aucune valeur intellectuelle, parce qu'on ne peut pas adhérer à ça. C'est-à-dire que se dire anarchiste, ça c'est une chose, et l'être, ça en est une autre. Dans l'extrême aussi, c'est parce que les couvents fracassés, etc., on est anarchiste aussi. Dans l'autre extrême aussi. Mais ce groupe-là, qu'on a appelé le littéraire, qui se disait anarchiste de droite, Les hussards. Les anarchistes de droite. C'est justement au niveau de la littérature, il y a toute cette tendance de moi, j'ai jamais rien vu vraiment qui me satisfasse là-dessus. Une explication de l'appellation d'anarchiste de droite d'abord. Et comment tu expliques que finalement il y a beaucoup d'anarchistes qui aiment beaucoup la littérature de tous ces gens-là, parce que Céline et Blondin, etc., c'est quand même des lectures d'anarch, quoi. Alors, c'est pas parce qu'on dit Céline qu'on est antisémite et qu'on va ouvrir le gaz d'un champ de concentration, quoi. Une espèce de tronc commun à partir de Nietzsche, quoi. Oui, moi je crois qu'on a une fascination sur à la limite, ce qui est le contraire de nous-mêmes. On peut avoir cette fascination. Pourquoi pas refuser? C'est vrai que chez Céline, on est fasciné peut-être à la fois par des choses qui ne sont pas toujours très... qui sont parfois séducteuses. Pourquoi le refuser? Je crois que c'est pas joyeux, c'est peut-être pour pouvoir pas le dire, mais je crois que ça joue. Hein. Bah, si quelqu'un qui lit Le Voyage, Céline, hein, oui. ou encore Mort à Crédit, etc. Oui, ça c'est magnifique. On n'est pas Céline, ne connaît pas son histoire. Qu'est-ce qu'il a dedans pour lui dire ce mec qui est un facho? Ça, rien. Rien, voilà. Rien. Rien de problème là. Non, moi, je suis bien sûr. Jusqu'à, la, jusqu'à l'occupation, là, on pouvait pas le citer. On le connaît très haut. Dans une période donnée, c'est très précisant. Il est avant, il a écrit un livre aussi avant sur Semmelweis. Ah oui, mais ça, c'est pour passer sa tête. Ça, c'est sa tête de médecin, mais là-dedans, il y a aucune implication philosophique. C'est un livre adressé à Henry Ford qui diffusait le protocole de sa gestion, et qui disait qu'il vaut mieux des ouvriers abrutis. Parce qu'ils ne réfléchissent pas, il a toujours été du côté des patrons. Il y a des fascistes qui peuvent se déguiser. C'est pas vrai que le Voyage au bout de la nuit m'aura crédit, c'est grand mal. Et quand il est dans les supports, il ne donne jamais pas de problème. Il parle de l'État. Je l'ai vu, je ne me souviens pas de ce que ça. Quand il est dans les villes, il y a normalement un crédit. Il n'y a rien à dire dessus. Il fait un passage aux États-Unis, il se retrouve chez Ford, comme beaucoup de prolos. Il n'en fait pas une déception idyllique. On n'est plus près du personnage de Charlie Chaplin, avec ses deux clés à plate. Il est pas sur l'usine, c'est une description dans les années 30, disons, qui est assez quand même récurrente, parce que c'est vraiment une beauté à l'époque. Non mais, l'erreur de, dans Céline, c'est qu'il ne faut pas... Apparemment, il ne faudrait pas prendre ce qu'il écrit comme un content, comme quelque chose de purement autobiographique. Je pense qu'il a noirci énormément son autobiographie pour permettre à sa plume d'être plus acerbe, quoi, contre, de noircir les choses. Et sa vision de l'humanité est pessimiste. On ne peut pas dire que ce soit un truc politique, je peux dire que c'est une forme de pessimisme et de révolte pessimiste par rapport au monde et à la guerre. À la condition humaine, quoi, mais pas dans un sens politique. Il n'y a pas d'un profil politique qui se déguise derrière. Quoi. Il y a quelque chose d'épidermique, oui. Pas quelque chose qui a trait à l'idéologie ou à la théorie. Au point de vue autobiographique, il a permis si je lis un livre en me disant « il est vachement bien, il est écrit par un bruit », c'est très accessoire. C'est où ce bruit il y a là-dedans, ça me va, j'y adhère, ça me fait réfléchir. C'est le mot que je comprends. Okay. Oui, qu'on va y chercher, quand tu dis ce qu'on va y chercher, c'est une part d'obscurité dans Céline ou quelque chose comme ça, une espèce de fantasme noir, etc. Moi, ce que je suis allé chercher dans Céline, ce qui me correspondait le plus, que je pouvais... ce que je fais, c'est ça, c'est de retrouver dans... C'est pas une grande capacité d'ouverture. Mais donc, pourquoi, quand j'ai vu ce bouquin, j'avais l'impression que c'est un bouquin d'archives, je connaissais pas trop bien l'auteur, etc. C'est parce que ce qu'il disait me faisait penser à d'autres choses, à Darien, etc., à d'autres gens. Et ça, tout ça me paraissait assez proche, pas parce que c'était différent, c'était pas dans le côté au bout de la nuit, c'était pas dans le côté pessimiste total que ça paraissait intéressant, c'était dans le côté libertaire, ça paraissait libertaire. Il y a amour des petits gens, un amour et une haine mélangée des petits gens, qui est vraiment, il a vécu, c'est très fort. Encore, là, il y a une chose à savoir, c'est qu'il n'a jamais voulu que sa mère lise ces deux romans. Parce que la biographie, elle était tellement loin de la réalité, et la mère était un témoin qui était là, que ça n'aurait pas été supportable pour elle de pouvoir lire ce qu'il avait décrit. Mais... Non, c'est qui nous a séduit, c'est d'abord le ton, hein, dans Céline, et puis, bon, il remettait la société en question d'une manière violente, dans un style particulièrement captivant. Bon, un déboulonnage de l'armée, de la famille, et c'est, bon, c'est des thèmes chers aux anars, ça, quand même. Oui, j'avais vu Céline comme un anar, à la limite. Ah, moi non plus. Il est anar. Ouais, non, moi non plus, je ne l'ai jamais considéré comme un anar. Hein. Mais je veux dire, par là, ce qui nous a séduit, d'abord, c'est le ton, la tonin, hein. Depuis, on écrit différemment, hein. Et puis, bon, il remettait en question la société sans chercher à faire des projections dans, dans l'avenir pour l'organiser d'une manière différente. Il disait, bon, ben, en somme, moi je vois dans ces lignes, l'homme il est ce qu'il est, et puis on ne peut pas espérer mieux que ce qu'on voit. On revient au cynisme de... C'est en ça, le pessimisme, ça fait partie de... l'anarchisme, il y a une tradition pessimiste. Bah, non, c'est mais ça, c'est l'anarchisme. Mais ce côté pessimiste-là, il est. Ben oui, moi je parle que. Je suis né optimiste, et puis je suis devenu pessimiste, parce que je me suis dit, bon, si on est lucide, on est fatalement pessimiste. On peut pas être optimiste si on veut, si on se veut lucide, si on veut regarder les choses en face et si on veut regarder ce que nous sommes en tant que, hein, en tant que homme, hein. La société libertaire, j'y ai cru, j'aimerais bien que elle arrive un jour, je n'y serai plus, mais si on s'efforce de voir les choses en face, on a de gros doutes quant à sa réalisation éventuelle. Je ne dis même pas que ça. Hein, un petit peu le cas. Est-ce qu'il y a encore des questions, des débats, ou est-ce que vous voulez qu'on arrête? Qu'est-ce qui va changer dans ton propos, dans l'écriture d'Alias par rapport à... C'est-à-dire que l'Alias, tu peux déborder, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu as envie d'écrire des imbécilités, tu les écris. Il n'y a personne qui te dira « est-ce bien nécessaire ?» C'est tout, hein. Ça peut être mieux, mais au fond, pour moi, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas une grande différence entre le faire Alias et le poulpe en réalité. Là, tu as une totale liberté, tu n'as pas de gris. Ah, si, il y a une gris comme ça. Mais on te reste. C'est un personnage qui. Purement négatif. Et bon, sur Alias, si ça marcherait, ce serait réellement l'antipoulpe. Ça deviendrait très mauvais très rapidement aussi. Ouais. Hein? Parce qu'on ne fait pas un héros bon, libertaire, tout ce qu'il faut, il y a tout de bien, comme dans le poulpe. On ne fait pas un héros qui a tout de mal, qui soit. Qui est mieux pour autant, quoi. On risque vraiment de faire la même chose. Hein. Mais je vois mal Série Noire avec un pic idéaliste. Il y en a, des détectives idéalistes, mais il y en a. Même chez Dana. Ah oui, chez les détectives privés, il y a beaucoup d'idéalistes dans la littérature américaine. Disons que c'est dommage, on n'a pas assez parlé dans la narco et aujourd'hui de la littérature policière, d'expression non francophone, tout ce qui est littérature américaine, etc. Oui, mais alors c'est tellement autre chose. C'est autre chose. Ah ouais, mélange et tout là-dessus. Moi, ce que j'ai senti, bon, on a mis un truc sur Foucault qui traînait, un index qui traînait, qui était pas mal, mais il aurait fallu parler de Chester, hein, qui était un mec. Ça se justifiait pour Robin Cook parce qu'il vivait en France. Mmh. Ouais. Mais, bon, Chester, hein, c'est vrai, tu n'arrives pas en France, mais c'est deux seules exceptions. Beaucoup de cas en France. Hein. Il a commencé en France, c'est lui-même qui a demandé à Himes d'écrire des romans sur Harlem. Il n'aurait jamais eu l'idée d'écrire sur Harlem. Hein. C'est à Paris que ça s'est passé. Mais c'est vrai que c'est tellement différent la littérature polar américain et polar français, c'est vraiment autre chose. Quoi. C'est un autre numéro, c'est un autre thème, il y a très peu de choses qui se ressemblent. Bah, celui que cite tout le monde en exemple, c'est Dashiell Hammett. Ouais. Et bon, moi, j'aime beaucoup sa description des milieux sociaux, enfin, surtout la moisson rouge où il arrive dans un patelin qui est complètement corrompu. Et puis ça fait un peu aussi ambiance Sergio Leone où il monte les truands les uns contre les autres, c'est un matraque général. Et là, je viens de dire sa biographie. Bon, c'est quand même un mec qu'on a pas mal idéalisé, mais enfin, il a fait l'éloge de Staline, quoi, il était au PC, enfin, peut-être pas de Staline, mais il a dit que les procès de Moscou, c'était bien. puis ça, on le sait toujours comme détective, tout ça, c'était l'agence Pinkerton qui brisait les grèves, quoi. Bon, il n'a peut-être pas travaillé longtemps, mais bon, la biographie, c'est pas très clair ce qu'il a fait exactement, c'était pas, peut-être pas que des filatures. Bon, après, il a parlé d'un milieu qu'il connaissait bien, et il l'a décrit très bien, mais c'est encore aussi un personnage ambigu. Enfin, un décalage entre l'œuvre et le personnage, encore un. Hein. Effectivement, il a la liberté. Bon, c'est vrai qu'être communiste aux États-Unis à l'époque, c'était pas exactement la même chose qu'être en Europe. Être libertaire, il existait quand même un syndicat qui s'appelait IWW, donc... Je pense que Dashiell Hammett, il en parle dans La Moisson Rouge. Il a dû la casser la gueule. Oui, bah oui, c'est pas un méchant. Mais lui, qui était engagé comme ça. C'était une espèce de truc un peu à la suspense. Est-ce que c'est lui qui a tué Frank Hudson? Bon, on s'en fout, mais ça ne serait que lui. Donc c'est ça. Frank Hudson, c'est un des nombreux militants de l'IWW qui ont été massacrés.